Food Folk. C'est fou. 89 ans. Décision de la radio campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès. C'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Cifou pour la semaine du 2 au 8 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau à congé encore une fois cette semaine. Et on risque pas de le revoir avant un petit bout, mais comme il est quand même co-animateur, je vais quand même dire qu'il est en congé à chaque fois. Jusqu'à temps qu'il revienne, ok? C'est correct ça? Donc aujourd'hui l'émission, évidemment, un condensé de la meilleure musique que Cifou a à vous offrir. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si notre numéro 1 francophone est toujours Galaxy avec Robolinx et en anglophone Napalm Palm avec Get With Me. On va aussi avoir quelques chroniques comme un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis, Palmer in Peace pour dire au revoir aux pièces qu'ils ont quittées ailleurs dans les palmarès. C'était fou pour retourner dans le passé. Mais on débute avec ce avec quoi on débute chaque semaine, c'est-à-dire la portion New Shit. On a trois nouvelles entrées. Plus tard, on aura Fauve ainsi que Hillotrons du côté anglophone. Mais avant ça, en franco, 20e place, voici Mastic. Et sur leur album De Sol et d'Éther, la pièce Nouveau Empire. C'est des palmarès, c'est fou, c'est comme la radio, mais en bien meilleur. Hein? Si on veut. Pas un très bon slogan, c'est vrai. Comme la radio, mais en meilleur. C'est plus un slogan pour votre lecteur MP3, des fois, ça. Entrée.

Hey, on a entendu nos trois nouvelles entrées, c'était pas beaucoup, seulement rendu à même pas et 10 de cette heure particulière dans laquelle nous vivons en ce moment, ce qui veut dire qu'on a dit au revoir à 10, à trois autres pièces. 10, j'ai retenu le chiffre 10, faut croire. Donc, on a dit au revoir à trois pièces, et lorsqu'on dit au revoir à des pièces, on appelle ça Palmerest in Peace. Oui. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. C'est permis, permis de fracasser, c'est gratuit. Permis, permis de fracasser, c'est gratuit. Pour les Mars 2015. On a débuté avec Kipler et Carnivore qui a duré 5 semaines. Il s'est fait manger après ça par un ours, je pense. Les passagers qui ont pris un billet vers ailleurs qu'ici avec Le Ciel est noir qui a duré 8 semaines. Et finalement, Brother Octopus s'est noyé. Ou est parti à la recherche de Bigfoot. Le don de la pièce de Bigfoot après 7 semaines que c'est parti. Voilà pour Palmerest in Peace. On dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés juste après les nouvelles entrées dans les palmarès. C'est fou. Maintenant, on saute par-dessus quelques affaires. Tantôt, en 19e place anglophone, on n'a pas entendu King Gizzard and the Lizard Wizard avec Cellophane, qui est là depuis 7 semaines sur l'album I Mean Your Mind Fuzz. Dans le prochain bloc, on va faire un bloc 3 quarts, donc on va entendre 3 des 4 prochaines pièces. Là-dedans, il y aura Navarre et Pat Ground. On va sauter par-dessus Elephant Stone avec Knock You From Your Mountain, mais on débute en position numéro 18. En fait, on va commencer en 18e anglophone pour faire changement. Donc, on va écouter World Beneath the Sea par Brave Shores. On parlera assez fou sur le 89 FM. We'll be right back.

Navarre et Je te suis en position 17 francophone, ça descend de la 13e. Avançons l'entendu Brave Shores avec World Beneath the Sea qui descend d'une place en 18e anglophone. On a débuté avec... on a écouté Pat Ground au milieu. C'est vrai, j'avais varié un petit peu la façon de faire habituelle. Pat Ground, la pièce s'appelle N'oublie pas la couleur et ça descend de 4 places en 18e francophone. On va faire un autre bloc dans le même genre, c'est-à-dire un bloc 3 quarts où on joue 3 des 4 pièces. On va entendre plus tard The High Dials et André Papanicolaou. Par contre, l'imposteur là-dedans, c'est Summerland qui a depuis 7 semaines qu'on va sauter. 7 comme dans le chiffre 7, la pièce encore loin de toi. On va débuter avec Tire le Coyote en 16e, ça descend de 4. Voici Les Chemins de Serviette. Dans les palmarès, c'est fou. 89.1 FM. Chemin de serviette, elle a...

goût de fraîcheur. C'est fou, 89.1. 15. Desert Tribe par The High Isles, position numéro 15. Ça descend de deux places en anglophone. Avançant en franco, on a sauté par-dessus Summerland avec Encore Loin de Toi qui est descendu de 5 places. Avant, c'était André Papanicolaou et Disposable qui descend de 2, qui est là depuis 5 semaines. On a débuté avec Tire le Coyote avec Les Chemins de Serviette qui descend de 4 places. Pas pour moi, celui-là. On va faire encore la même chose. Là, vous me dites, Caroline, et je dis souvent ça, vous vous dites quelque chose, comme si je vous mettais des paroles dans la bouche. Mais je parle pas bien, ben. Quand je suis seul et pas mal assez fou, c'est surtout la musique qui parle et ça risque d'être comme ça pendant tout le mois de mars alors que Jean-Philippe, oui, tout le monde sait que c'est Jean-Philippe, pas Jean-François, Jean-Philippe Charbonneau va être absent pendant quelques semaines. Donc, on va y aller avec un autre bloc 3 quarts, les positions 13 et 14, sauf Belle and Sebastian qui nous envoie la pièce Nobody's Empire, mais qui est là depuis 7 semaines. C'est quand même assez vieux. On va entendre les trois autres, donc Claude Bégin ainsi que James Irwin vont être dans ce bloc, mais on débute en 14e place, ça descend de 6. Voici Fontarabie et Vent Blanc au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Ah ouh! Ah ouh! C'est du vent, ça. Ah ouh! Hein? Un imitateur, toi. Tu tout finiras bien quand la nuit tombe.

même si le ciel nous en veut. J'suis heureux comme un poisson volant, et même si on prend les moyens d'aller où les vents nous emballent, on passera les moyennes, les grandes et les petites tempêtes. Personne n'y échappe, personne s'y arrête. Un jour le ciel va tomber sur nos têtes. Qu'on se colle un petit peu, je te veux. C'est tellement confortable. Et quand on recommence à jouer le jeu, je me transforme en balade. Et parmi tous les autres fous, il y a nous, pitoyable et jetable. On arrivera ensemble. Les châteaux qui font les mauvais nuages. Personne n'y échappe. Claude Bégin, avant de disparaître, position 13 francophone. Avant ça, on a sauté par-dessus Belle & Sébastien avec Nobody's Empire. Avant ça, en 14e anglophone, James Irwin avec Michigan Miami, nouvelle entrée de la semaine passée. Et au tout début du bloc, c'était Fontarabi avec Vent Blanc qui descend de la 9e place, 6e semaine de présence. C'est la pièce de l'album Eclipse. Voilà. La formule fonctionne à merveille, des blocs 3 quarts, donc on saute une pièce par bloc de 4. On va sauter par-dessus Dumas avec Compte à rebours en 12e francophone. On va entendre par contre Viet Cong, on va entendre Chocolat et on va débuter avec Elliott Maginot du côté anglophone. Ça descend de 4 places. Voici Young and Old tout de suite dans les Palmarès C'est Fou sur le 89.fm. Once again, what's the problem? c'est Silhouette, position numéro 11, anglophone bien sûr, avant ça en franco c'est Chocolat avec Apocalypse, et avant on a entendu Elliot Magino et Young and Old qui descend de 4 places, on a sauté par-dessus Dumas et Compte à rebours qui descendait de 8. C'est la fin de la première heure, la portion new shit de l'émission, même si on n'a pas eu beaucoup de nouveautés, c'est quand même le nom de l'heure. On se retrouve dans quelques moments pour la deuxième portion, la portion top 10, avec les positions 10 à 6, entre autres, Fanny Blue, Marie-Pierre Arthur, Jean Leloup, White Horse et Lisa Leblanc. Restez là, la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, je vous attends dans 2 minutes. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est la deuxième heure des Palmarès Cifou pour la semaine du 2 au 8 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau a congé cette semaine encore. Il va être de retour à la fin du mois, probablement, dans un bout de temps. Je vous fais pas de promesse avec ça. Mais quand même, je suis là pour vous présenter le top 10 dans cette portion d'émission. On va débuter avec les positions numéro 10. Mais plus tard, il y aura aussi un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis, notre émission du matin assez fou. Et le bloc C'était fou dans lequel on retourne en arrière. Et je crois qu'on est rendu quelque part comme en 2004, oui, au mois de mars 2004. Ça va être bien, bien bon tantôt, C'était fou. Mais on débute en 10e place, oui, du côté anglophone, c'est Lisa Leblanc et You Look Like Trouble, But I Guess I Do Too, qui est stable de ce côté-là. Et en francophone, ça descend de 5. Voici Fanny Bloom et Melody. Dans un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, les Palmarès, c'est fou. Quand ton cœur est en voyage, notre amour est en décalage entre la nuit et puis le jour. As-tu rangé le cahier avec les notes de musique qu'on avait composées à deux? Je veux te jouer. Distance, l'amour peut perdre patience et

Slippery Footed Man descend de la 5e à la 9e position anglophone. Avançant en 9e franco, c'était Marie-Pierre Arthur et Riel Affaire qui descend de 7 places. Avant en 10e anglophone, Lisa Leblanc et You Look Like Trouble qui est stable. Et au tout début du bloc, c'était Fanny Bloom et Melody qui descend de 5. Avant de passer à Stereozor et Cairo, c'est le moment d'aller voir, mais que diable se passe-t-il à l'émission du matin? Assemblage requis, voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 23 février 2015. Bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du matin de C'est fou. Oui. Oui, ah, oui. Ça existe, oui, oui. Comment l'affaire qui rentre là-dedans, c'est bien slack, tu sais, comme on dit. C'est... On parle évidemment d'adaptateur d'écouteurs. Dumas et compte à rebours. Moi, je salue ceux qui s'appellent Arbour comme nom de famille. T'sais, mettons, je sais pas, Jonathan Arbour. Si c'est parti une chronique à Assemblage requis, il faudrait absolument que ce soit ça son intro, puis qu'il s'appelle le compte Arbour. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 24 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bon retour, Steph. Salut! Un autre lundi où t'étais pas là? Que veux-tu, hein? C'est de même? C'est des fois la vie. C'est la vie tourne, et c'est comme on dit, hein? T'sais. La vie tourne. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 24 février 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Wouhou! On est avec Gabriel Béhoud. Allô? Un gars qui fait pas des wouhou, lui, parce que ce serait ben trop énervé. Ben là, hein, il est quand même 8h le matin, là. Séchez votre peine en étant peinard à la chasse-galerie à la place. Oui, ah, c'est pas séchez vos peines, ça c'est une autre activité. Séchez vos peines à la chasse-galerie. As-tu dit ça? Je pourrais être sûr, tu l'as dit ça? Tu l'as dit. Là? J'aime ça. Ben, Colin, profite-en, c'est la nouvelle entrée du palmarès francophone, Partir le Coyote. C'est les chemins de serviettes à demain. Partir le Coyote? C'est tire le Coyote. Partir okay, le Coyote, okay, comment ça va? Pas partir le Coyote, les fafettes. Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ce déjeuner-là, d'ici à Rimouski, il y a à peu près 2500 sortes de manière de l'appeler, mais c'est tout le temps la même chose. Ah, c'est le gourmand. Ah, c'est ça, c'est tout le temps deux œufs, trois viandes. C'est genre le troqueur. Le camionneur. Le Joe Construction. Ouais, le Joe Construction. Joe Construction. Quand tu parles de jouer du trucker, tu lui demandes, je vais te troquer le bacon, tu sais, du jambon pour du bacon, tu demandes ça. Hey, dans ton trucker. Ça va être mêlé. La vie, elle te met un extra link pour ce fabuleux jeu de mots. Ah, mais ça. Tant qu'à avoir coupé mon avocat, je vais tout le mettre et je vais doubler les autres ingrédients. Comme on dit en anglais, je vais faire un jeu de mots en anglais, je peux t'avertir. Hein. You're wreaking havoc. Sur ta recette, wreaking havoc, c'est comme une genre, c'est une expression en anglais. Ah. C'est un jeu de mots pour juste les gens qui comprennent. C'est un peu malaisant. Bigfoot par Brother Octopus. Gros pied, frère pieuvre. C'est comme les frères d'encre, mais leur dérivé, ce serait les fièvres. Les pierres fièvres. Frère pieuvre. Les pierres fièvres. Les pierres fèvres. Les fières. Fières pierres. Fèvres. Ils peuvent faire des œuvres. Frères d'encre peuvent faire des œuvres. Ouais, d'accord. Tout le monde clappe des mains en ondes, là, en studio, c'est tellement le fun, sauf Steph, là. Rabat-joie un peu. Clap, clap. Clap, clap. Non. Non, j'embarque pas là-dedans. On n'a pas entendu de musique depuis, je te dirais, le tout début de l'émission. C'est vrai. Fait qu'on va écouter Lubic. Voici l'essence, parce que l'essence même de l'émission, c'est le contenu. C'est au 89. Elle est bonne. On retourne s'acheter d'autres gadgets parce que Colin, ça arrête plus. On a la passe facile dans le slot de la machine. C'est la slot. Pardon? La slot est bien slack. Hein? Si ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Tout ce qu'on a en face, c'est rentrer notre pin. Notre pin! Notre nip! C'est un jeu de mots avec la fleur, la chance. Et on est en direct des studios de 6 fois à 3 Rivières, tu savais ça? Ouais! Ouais! Une chance que je le sais, sinon ben je serais perdu. Tu serais ignore? C'est ça que ça veut dire quand tu ignores? Ben, plus ignore, je serais en retard. Je tournerais en rond à 3 Rivières, ah oui. Puis je chercherais où c'est que ça s'enregistre, ça. C'est où Assemblage requis? C'est où Assemblage requis? Club italien! C'était par Le Couleur à Assemblage requis. Ça, c'est-tu comme un club normal, mais avec de la sauce à spag par-dessus? Non, avec une moustache. Donc, le butin. Monsieur Yves Bolduc, en confirmant les montants qu'il redonnait cette année, envoyait une lettre et tout, et il disait que ça lui faisait plaisir d'octroyer un montant maximum de 300 000 cette année. Donc, on se faisait une deuxième fois recouper. Mmh. Donc, enfin, il a remplacé votre Bolduc par une tasse-duc. Oui. C'est un jeu de moi avec Bolduc. Je voudrais dire un shooter-duc. Un shooter-duc est meilleur. On va garder celle-là. Un shooter-duc. Merci. La nicotine aussi est un uppers. Fait que la cigarette est considérée comme une drogue psychoactive stimulante. Puis les poppers, c'est des uppers? Des pop-tarts. Des pop-tarts, c'est des poppers? Des poppers, c'est des downers. L'alcool est dépressif. Okay, fait que les poppers, c'est des downers. Ça j'ai pas peur des downers. Hey, t'as parlé de Snaps là-dedans? Hein? Snaps. C'est-tu quoi ma préférée dans les Snaps? Hein? Snack, Crackle and Pop? Je sais pas. Non! Pense moi, ça. C'est le Snaps au pêche. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'était ça. La réponse, Stéphane, là. Ah, Snaps oui. Au pêche. Oui, les Snaps au pêche. Oh, Snaps! Oh, God. Oh, Snaps! Fermeture, bouton de rasoir. Merci. Est vraiment bonne. Ben, on l'a fait à deux. J'ai tendance à regarder au-dessus de mes lunettes. Faudrait que je regarde avec mes lunettes pour voir la date. Oui, il y a le fait que t'es mis up. Un petit peu. Stick me up before you go. Go. Hey, c'est ma joke, ça. Non, c'est notre joke. On la partage. Elle reste toujours très, très drôle de toute façon. Les meilleurs assemblages requis pour la semaine du 23 février 2015, toujours avec une semaine de délai dans les palmarès, c'est fou parce qu'on est le mercredi maintenant au palmarès depuis un bon bout, là, mais quand même, sachez-le. Et puis, on fait la semaine précédente d'assemblage requis. C'est bon ça? Écoutez l'émission du matin, assemblage requis entre 6h30 et 9h30, du lundi au jeudi avec Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante. On a bien de plaisir. Assemblagerequis.com pour les balado-diffusions des émissions, les notes de l'émission aussi, et même les montages d'un instant classique sont disponibles. C'est sur assemblagerequis.com et on fait l'instant classique en deuxième heure des palmarès. C'est fou. On était rendu tantôt, je vous l'avais dit, aux positions numéro 7, 8, à chaque semaine, je me trompe. Position numéro 8. Disons, du côté anglophone, ce sera Cairo qui monte une place avec A History of Reasons, mais avant ça, on écoute Stereozor qui monte de 8. Je suis tombé mêlé en ce moment. C'est Kaleidoscope dans les palmarès, c'est fou. Mais dans le milieu des palmarès, c'est le pire bout.

Whitehorse et Downtown, position numéro 7, stable en anglophone. Et en franco, c'était Jean Leloup et les Flamants Roses qui montent de la 15e. Et c'était une nouvelle entrée, pas une nouvelle entrée, non, ça dure depuis 5 semaines quand même. Tantôt, on entendra une pièce qui était en nouvelle entrée la semaine passée, celle de Huis Clos. Mais avant ça, ça demande de retourner en arrière jusqu'en 2004. Voici C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 5 mars 2004. Elle m'enveloppe, elle m'embrasse, elle m'en veut. Elle m'en laisse, elle m'en blesse, elle m'engueule. J'ai jamais rien compris, peu importe ce que je dis. Oh, c'est pas facile. Elle me dérange, elle me débranche, elle me dégage. Elle me démissionne quand j'ai pas mon âge. Et c'est un jeu de chance et non d'intelligence. C'est pas facile. Oh, pis son bel amant. Les Anglais sont munis de leur philosophie de libérer tout le monde sans trop créer d'ennui. Un sourire qui veut dire que t'arrêtes d'en lire tous les livres du monde pour qu'elle aille te répondre. Elle m'entoure, elle m'emmerde, elle m'engage. Elle m'en font des petites passes, elle m'enrage. Pour tout ce qu'elle dit, elle demeure incomprise. Oh, c'est pas facile. Oh, puis son bel amant, elle te regarde comme personne de leurs yeux francophones. Un manteau au corps du roi, puis une bague sur chaque doigt. Une barrette en cuirette, puis un foulard en soie. Puis mon cœur enlevé dans son sac tricoté. Elle me détruise, elle me défrise, elle me débarre. Elle me revient dans 2 semaines au plus tard. Je l'ai compris, l'affaire, les filles universitaires. Facile. Oh, puis son bel amant, elle te regarde comme personne de leurs yeux francophones. Un manteau au corps du roi, puis une bague sur chaque doigt. Une barrette en cuirette, puis un foulard en soie. Puis mon cœur enveloppé dans son sac tricoté. fun, mignonne, t'as l'air d'y fun. Ton mouchoir noir au chloroform. Oh oh, t'es Jackie O, t'es Docteur M et ton manteau. Chaud chaud, tes pieds sont chauds. Galope pour suivre le troupeau. T'as jamais été aussi belle ces photos que j'ai pris dans la rue. Elle est comme un agent secret corrosif. Tu sais manipuler les explosifs. Arrête, la mèche est prête à faire craquer les allumettes. Debout aux barricades, t'es si belle devant tant de mars. Vénus, t'as une ombre russe. On catapulte les ours en peluche. Héros de la vidéo, t'arrives devant les commandos. T'as jamais été aussi belle. Et les lèvres, les nœuds dans tes cheveux, le sang séché sur tes joues. Oh, t'as jamais été aussi belle quand tu poses devant les polices dans la buvette. Pour que tu restes dans l'objectif, on a manipulé les explosifs. C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 5 au 11 mars 2004. On a débuté avec le numéro 1 francophone, l'excellent Antoine Graton avec les filles universitaires sur l'album Montréal Motel. Ensuite, le numéro 1 anglophone, c'était The Strokes avec Reptilia sur l'album Room on Fire. Et on vient d'entendre une pièce bonus de mon choix, donc c'est 8 mm par Gwen Wedd sur l'album Le Retour du Bleu Métallique, une pièce que j'ai toujours adorée. Je trouve ça vraiment fantastiquement bon. Ailleurs, dans cette même semaine, 5 mars 2004, on avait la formation André. On avait Urbain des Bois, Caïman Fou, Carquoi, Stereolab. Du côté anglophone, on avait Billy Talent, oui, oui. A Perfect Circle, Jet et Matthew Barber. Voilà, donc la semaine du 5 au 11 mars 2004. Allez voir les notes de l'émission sur assemblagerequis.com pour en savoir plus et pour télécharger ce même petit palmarès de 2004. Comme je l'ai promis tantôt, il nous reste de la place pour une dernière pièce dans cette portion top 10 de l'émission. On va l'entendre du côté francophone parce qu'en anglophone, Chris Burkett est là depuis 7 semaines avec Be Creative, donc on lui laisse une petite semaine de repos. Pour aller entendre Huit Clos, voici La Danse des Morts, nouvelle entrée de la semaine passée qui monte de la 19e place au palmarès. C'est fou. Sur le 89 FM. David a pris sa grosse voiture pour aller en bas sur le mur. Camille aime bien le cinéma, mais je ne crois pas qu'elle s'y rendra. 40 le mur et la voiture, il y avait quelques passants. Fauché à la hauteur des hanches, il l'a reçu droit sur son banc. La jeune fille, son assassin sentait si bon. Bien sûr, en d'autres circonstances, il n'aurait vraiment pas dit non. À une nuit chez elle ou chez lui, ou à quatre pattes dans sa voiture. sûr Camille avait de bonnes idées. Ah, quel dommage de l'avoir tué. C'est la danse des forts. C'est la danse des forts. C'est la danse du mur et de la voiture. C'est la danse des morts. David a pris sa grosse voiture pour aller embrasser le mur. Bertrand atteint son quatrième, il ne lui dira jamais je t'aime. 40 le mur et la voiture, il y avait quelques passants. Bertrand écrasé sous les roues, étrangement avait l'air souriant. Finir sa vie si subitement, c'est la vengeance qui l'attendait. Pleurez-moi tous, femmes et enfants, comprenez bien mon importance. Malheureusement, il n'en fut rien, ils étaient tous indifférents. À part Johan, sa secrétaire, qui le pleura pendant 2 ans. J'avais jamais écouté les paroles de cette chanson-là. Et quand tu prends le temps de les écouter, c'est déprimant en titi. C'était La danse des morts par 8 clos. Une très bonne chanson qui monte de la 19e à la 6e place. C'est la fin de la 2e heure, la portion top 10. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e heure, la portion top 5, avec entre autres Le Couleur, Galaxy, Amorbid, Lubic, Caravan, The Pretty Reckless, The Marwills, The Season, Samantha Savage Schmidt et Nipple Pong. Qui se retrouve au sommet? La réponse au retour dans les palmarès. C'est fou, restez là. Dans la zone 89.1. Portion top 5, la 3e heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau a congé cette semaine. Dans cette 3e heure, on va savoir enfin si le numéro 1 francophone est toujours Galaxy avec Robolinx et en anglophone Napalm Pom avec Get With Me. On va aussi avoir la section ailleurs dans les palmarès en quelque part dans cette dernière heure. Assez mouvementé tout ça, débutons par les 5e. En anglophone, c'est Samantha Savage Smith et It's a Burn qui descendent d'une place. Mais on débute avec Le Couleur qui monte de la 20e place. Un bon gros bon, hein? Mais en même temps, c'est le genre de bon que j'aimerais prendre parce que ça me donne, ça m'ouvre l'appétit. C'est Club Italien. Ça, c'est fou. Dans vos oreilles. Je le plaisir. 5. Thank you.

C'est même très, très tentant d'en entendre une. Danko Jones avec Fire Music en 30e place. En 20e, c'est Hill Jones avec To Trip with Terpsichore, leur plus récent qu'on a reçu en échantillon quasiment illégal avec un CD gravé avec du stylo du crayon feutre dessus. Mais c'est vraiment super bon, Hill Jones. En 3e place, ça monte de 13, The Pretty Reckless avec Going to Hell. En 2e, c'est The Seasons avec Pulp qui monte de 13 places. Et en 1ère, ça monte de 2, The Marwills avec Facts and Figures. Dans le top 3 du Canadien maintenant, en 3e place, c'est Napalm Pom. En 2e, The Seasons et en 1ère, The Marwills. Dans le top 10, Loud. En 10e place, c'est Old avec l'album One. En 9e, Cancer Bat. Ça me fait toujours vraiment rire, le cancer du bat, pour vrai. Là. Désolé, mais je suis immature comme ça. Cancer Bat, tu sais. Avec l'album Searching for Zero. En 3e place, c'est l'ancien numéro 1, Anciferum, avec One Man Army. En 2e place, ça monte de 8, Torch, avec Restarter. Et en 1ère, ça monte de 1/5e semaine de présence pour Venom et leur album From the Very Depths. Dans le top 5 des musiques du monde, 2 nouvelles entrées, et c'est les 5e et 4e, donc on va s'adonner à faire le top 5 au complet. En 5e nouvelle entrée, c'est la pièce Ona de Boubacar Traoré sur l'album Mbali Maou. En 4e nouvelle entrée, de la fanfare Couchetard, la pièce s'appelle Bouzouknou Fanfare sur l'album Balkanize Me. En 3e place, l'ancien numéro 1, Punch Brothers et Julep sur l'album The Phosphorescent Blues. En 2e, Le Garé, une pièce de Dom La Nina. Et en 1ère, ça monte d'une place, c'est Auto Rickshaw avec Snake Charmer sur l'album The Humors of Auto Rickshaw. Ah, j'ai vraiment envie d'entendre une pièce de Danko Jones, mais j'avais déjà préparé une pièce du palmarès Musique du Monde. Peut-être qu'on se gâtera plus tard. On va l'entendre un nouvel extrait de la fanfare Couchetard. Pourquoi pas? C'est Bouzouknou Fanfare tout de suite. Dans la section ailleurs, dans les palmarès, c'est fou, sur le 89 FM. We'll be right back. Je dois l'avouer, c'était pas mal bon ça. La fanfare Couche-Tard avec Bouzouknou Fanfare sur l'album Balkanize Me. C'est une nouvelle entrée en 4e place du palmarès Musique du Monde, top 5 Musique du Monde, qu'on écoute bien sûr au complet dans l'émission Palmarès du Monde avec David Ferron. C'est les jeudis après-midi à 16h, ici même sur nos ondes, sur le 89.fm. Voilà pour ailleurs dans les palmarès. On retourne dans nos top 20 francophones et anglophones. On est rendu au 3e place. Du côté anglophone, ça monte de 13 de Pretty Reckless avec Sweet Things, qui est là depuis 6 semaines. Mais on débute avec une autre pièce qui est là depuis 6 semaines, mais c'est l'ancien numéro 1 de la semaine passée. Ah, c'est triste. Voici Galaxy et Robolynx, préférés de tous et chacun, puis leurs parents, puis leurs enfants. Ou pas merci. C'est fou, 89.1. Knocking at my door. The Pretty Reckless, c'est Sweet Things. Position numéro 3, ça monte de 13 places en anglophone. Et juste avant, du côté franco, c'était Galaxy avec Robolinx, l'ancien numéro 1 francophone, malheureusement, qui descend un peu, mais pas trop. C'est quand même respectable, le top 3, quand même. Alors, on est rendu au top 2 bientôt. Le top 1 s'en vient. Il ne reste pas grand-chose d'autre. On va avoir peut-être le temps de retourner en arrière. Je dis ça à chaque semaine, puis on n'a jamais le temps. Donc, on va juste continuer comme ça avec les positions numéro 2. Du côté anglophone, c'est The Seasons, une formation locale que tout le monde aime assez fou. C'est Copernicus, le nom de la pièce. Ça monte de 13 places. Et en francophone, d'autres adorés de la station et de ses animateurs, c'est Caravan, avec Harmony Rocket, qui monte de 5. On écoute ça à l'instant dans les paroles assez fous. Sun. right. And so I walk, I feel it all inside. I'm not so big yet, not so small. It's scary, but I'm morbiding it all. Sun. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. I need the sun, I need the sun. Copernicus par The Seasons, position numéro 12, ça monte de 13 en anglophone, et avant ça c'était Caravan avec Harmony Rocket qui monte de 5 places. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est rendu aux premières places, et les premières places ça veut dire jeu de mon poche de ma part. Je sais, les gens veulent tellement de mes jeux de mots, ils en raffolent tellement qu'ils tueraient un homme nommé Jaro, je pense. Kilimanjaro. Kilimanjaro, c'est la pièce de Amor Blitz, t'sais. C'est, ouais, j'avoue que c'est quand même assez recherché, tiré par les cheveux. Je vous en renvoie pas la parole. Je vous fais pas dire, comme on dit, t'sais. Hein, je vous fais pas dire. Comme on dirait, crime, Mathieu Plante. Alors, retourne pas chez vous. Continue de faire des jeux de mots pendant toutes les émissions sur les ondes de C'est Fou. Reste pendant Audiomatique. Fais des jeux de mots sur toutes leurs affaires, t'sais. Après ça, les audacieuses. Ah oui, non. Je suis sûr qu'ils vont vraiment aimer ça. Donc, The Marwills avec Don't Go Home du côté anglophone sur l'album Facts and Figures. Et en première place francophone, c'est Amor Blitz. Voici Kilimanjaro sur le palmarès. C'est fou. Les palmarès, il y en a deux, tu sais. C'est les palmarès. En fait, il y en a plus que deux. Je pense que vous le savez. On a une chronique au complet nommée ailleurs dans les palmarès parce qu'il y en a plusieurs, t'sais. Charme, apporte-moi ta langue, tes larmes. me raconter tes pensées les plus noires. J'en ferai des chansons aussi chères que l'ivoire. Kilimanjaro, Kilimanjaro. Première position. Côté pour la semaine du 2 au 8 mars 2015, on est pas mal assez fou. On vient d'entendre The Mar Wheels avec Don't Go Home qui monte de deux places. Et avant, c'était Amor Blitz et Kilimanjaro qui monte de deux places aussi. Donc, nos anciens numéro 3 maintenant en première place. Tantôt, j'ai dit qu'on aurait peut-être le temps de retourner à des pièces qu'on avait sautées. Colin, on a le temps aujourd'hui pour quand même quelques pièces. Donc, on va débuter avec un bloc de deux. Hein, pourquoi pas? On va rester du côté anglophone avec plus tard King Gizzard and the Lizard Wizard et l'extrait Cellophane en 19e place. Mais on débute avec la position numéro 6. C'est Chris Burkett. Voici Be Creative au 89 FM. C'est toujours les palmarès, c'est fou. Be creative. things that are happening around you. Taking a road with full attention means more than all convention. Whatever you do, do it with love. Put your heart and soul inside it. Wizard and the Lizard Wizard avec Cellophane, position numéro 19 anglophone, précédé de Chris Burkett et Be Creative, lancé numéro 2 maintenant en 6e place. Et c'était un petit bloc de choses qu'on avait sauté précédemment dans l'émission. Ça va être déjà la fin de cette édition des Palmarès C'est Fou. Ah oui, je sais, vous êtes déçus. 3 heures de musique, c'est pas assez pour vous. Mais on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, entre 15h et 18h, les mercredis, c'est même sur les ondes du 89.1 FM. C'est juste après le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, que je l'aime entre 13h et 15h. Après nous, les mercredis, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique, suivie des Audacieuses, des découvertes musicales à 19h. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges et Sky Punka. Et finalement, le dimanche, entre midi et 15h, restez à l'écoute en général. Retrouvez la programmation complète sur CIF.ca, les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Merci d'avoir été là pour vrai, là, je l'apprécie énormément. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour éventuellement, au moins dans le mois. Il m'a dit le mois de mars. Je veux pas faire de fausses promesses pour lui. On se quitte avec une autre pièce qu'on a sautée au tout début de l'émission. C'est celle de Summerland. Dans la première heure, on n'avait pas écouté Encore loin de toi, la 15e place sur l'album 2012. On se quitte là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine dans les Palmarès C'est Fou. Ah, bye bye!